Bonjour et bienvenue aux amateurs de rock progressif pour cette nouvelle émission de Rock de Neurone. Vous êtes en compagnie de Jimmy Farley pour les deux prochaines heures. Je m'occupe de la mise en onde et du choix musical avec la collaboration de Denis Marchand et Yves Farley. Vous êtes à l'écoute de C'est Fou FM 89.1 à Trois-Rivières en direct et vous pouvez aussi nous capter sur le web à partir de cfou.ca. Aujourd'hui à l'émission, nous avons 12 pièces avec Wisdom of Crowds, Ramses d'Allemagne, Eccentric Orbit, qui est un groupe américain, Steven Wilson, le bien connu britannique, Anot Hool de Norvège, nous avons aussi Myriador de Québec, Inter du Brésil, Regal Worm d'Angleterre, Accordo dei Contrari d'Italie, Palace, le groupe britannique, Curved Air de la même provenance et Pink Floyd. On débute l'émission avec un groupe qui est constitué de la collaboration de deux musiciens assez connus. On parle ici de Bruce Sword, qui est le frontman de Pineapple Thief, et avec la collaboration de Jonas Renkse, qui est le chanteur de Catatonia. Ils ont fait une production en commun qui s'intitule Wisdom of Crowds. C'est un groupe pour une occasion, pour un enregistrement. On ne connaît pas de vie en spectacle de cette formation. Alors, ils ont produit un album en 2013 qui s'intitule éponymement de Wisdom of Crowds et on entend la pièce Frozen North. Cold hand. Below the eyes of this cold, cold land. Stuck in the frozen north. Alors, c'était Wisdom of Crowds avec la pièce Frozen North et cet extrait de l'album éponyme qui est paru en 2013. On enchaîne avec un groupe allemand du nom de Ramses. Ramses qui vient de publier un nouvel album qui s'intitule Firewall. Et c'est un groupe qui a œuvré surtout avec trois albums dans la fin des années 70, début des années 80. Un autre album en 2000 et il y a 14 ans qui séparent le dernier album avec ce qui vient de paraître. Alors, on va entendre extraite la chanson « Back to the Glades ». Alors, voici le groupe allemand Ramses. Thank you. Vous venez d'entendre la formation allemande Ramses avec la pièce Back to the Glaze et c'est extrait de l'album Firewall qui est sorti en début de 2015. Alors, on va terminer le premier bloc avec un groupe américain, Eccentric Orbit, avec une pièce tirée de l'album Attack of the Martians. C'est un album qui est paru il y a déjà 11 ans. Il y a un nouvel album qui est depuis est sorti fin de l'année dernière qui s'appelle Creation of the Humanoids, qu'on a déjà fait jouer à l'émission, mais ici on fait un petit retour dans le passé avec la pièce The Day the Earth Stood Still. Alors voici Eccentric Orbit. Alors, c'était Eccentric Orbit avec la pièce The Day the Earth Stood Still. Avec, ça, c'est extrait de Attack of the Martians qui est paru en 2004. Après la pause, Steven Wilson, Annot Rule, Myriodor et... Alors, sur les ondes de C'est Fou FM 89.1 à Trois-Rivières, vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones, une émission consacrée au rock progressif, et vous êtes en compagnie de Jimmy Farley pour le début du deuxième bloc. Alors, on débute avec Steven Wilson et un troisième extrait de l'album Hand Cannot Erase. La pièce s'intitule Home Invasion et Regret Number 9. Alors, c'est la pièce, à mon avis, la plus fignolée de l'album. Alors, voici immédiatement Steven Wilson's. We'll be right back. Thank you. Alors, c'était Steven Wilson avec la pièce Home Invasion, Regret No. 9. Et c'est extrait de l'album Hand Cannot Erase qui est paru trois semaines. Alors, on continue avec Anot Rule, qui est une formation norvégienne qui vient de faire... qui ont produit leur troisième album à la fin de l'automne. L'album s'intitule Léviathan et on va entendre la pièce The Color Out of Space. Alors voici Anot Rule de Norvège. We'll be right back. Alors, vous venez d'entendre la formation norvégienne Anot Hoel avec la pièce The Color of Out of Space, et c'est extrait de l'album Léviathan, qui se trouve être le troisième album de la formation. C'est paru à la fin 2014. Alors, on va enchaîner dans un tout autre registre avec un groupe québécois, Myriodor, avec une pièce extraite de l'album Avanti qui est paru en 2009. Le groupe a 8 albums studio depuis 1986. Le dernier, Cobra Fakir, qui est paru en 2013, avait été très bien accueilli par la critique. Mais si on remonte un petit peu les cotes des albums précédents, Avanti se classe très bien. Et avec curiosité, je suis allé voir sur les sites qui proposent les pièces de Myriodor. Et j'ai trouvé la pièce Standard Deviation, qui est un mélange de Gentle Giant, Univers Zéro, Egg, Gilgamesh et dans mes ans d'autres. Là, c'est musique, c'est instrumental et de facture technique très inspirée. Alors voici Myriodor avec la pièce Standard Deviation. C'était le groupe québécois Myriodor avec la pièce Standard Deviation et c'est extrait de l'album Avanti qui est paru en 2009. On va clore le deuxième bloc avec un groupe brésilien du nom de Ether. Ether qui, en fait, on leur connaît deux albums. Le premier paru en 1999 et l'autre en 2002. Mais ce qu'on va aujourd'hui écouter, c'est un extrait de l'album concept Odyssey The Greatest Tale. C'est leur dernière prestation studio, partie d'un regroupement, en fait, ils font partie d'un regroupement de plusieurs groupes qui ont enregistré cet album concept-là. C'est un album, en fait, c'est un triple album avec des noms comme Minimum Vital, Nexus, entre autres aussi, et Ether. Ils ont une pièce, toutes les pièces de l'album, du triple album, sont de 25 à 30 minutes. J'ai fait un extrait ici d'une dizaine de minutes de Ether. La pièce s'intitule Chapter 9 et c'est extrait du troisième disque de Odyssey, The Greatest Tale. Alors voici Ether. Vous venez d'entendre la formation brésilienne Ether avec la pièce Chapter 9, c'est extrait de l'album concept Odyssée, The Greatest Tale. C'est paru ça en 2005. Après la pause, Regal Worm, Accordo dei Contrari et Palace. Alors nous voici donc rendus au troisième bloc de l'émission. On débute avec un groupe britannique, Regal Worm, qu'on a déjà fait jouer à l'émission. Ils ont deux productions à leur actif et ce qu'on va entendre, c'est extrait d'une compilation de la revue belge Prog Résiste du numéro 79. C'est une revue qui sort de façon trimestrielle et on y retrouve des extraits. Avec la revue, il y a un album de compilation qui touche ou qui traite des artistes qui sont dans la revue. Alors, nous avons ici un extrait qui s'appelle « Odilon Escapes from the Charcoal Oblivion ». Alors, voici Regal Worm. Thank you. Alors, c'était la formation britannique Regal Worm avec la pièce Odilon Escapes from the Charcoal Oblivion. Ça, c'est extrait de la compilation Progressis 79. Alors, on enchaîne avec un groupe italien du nom de Accordo dei Contrari. C'est un groupe avec une récente parution. C'est la troisième du groupe. Ce groupe existe depuis 2007. Alors, on va entendre la pièce Dua. Et c'est extrait de ADC. Cet album-là est en 2014 considéré comme un des 10 meilleurs de l'année 2014. Alors voici Accordo dei Contrari avec la pièce Dua. Thank you. C'était la formation italienne Accordo dei Contrari avec la pièce Dua et c'était extrait de l'album paru en 2014 et qui s'intitule Odyssée. On termine le troisième bloc de l'émission avec une formation britannique du nom de Palace. Palace qui est un groupe d'une vingtaine d'années d'existence depuis 1984 ils en sont rendus à leur septième album qui est paru à la fin de l'automne et l'album s'intitule We Are Who We Are et la pièce qu'on va entendre c'est Harvest Moon. Alors voici Palace. Spirit and the will. Jesus, Lord. venez d'entendre la formation britannique Palace avec la pièce Harvest Moon. C'est tiré de l'album We Are Who We Are. C'est paru ça à la fin de l'automne 2014. Après la pause, Curved Air et Pink Floyd. Alors, je vous rappelle que sur les ondes de C'est Fou FM 89.1 à Trois-Rivières, vous êtes à l'écoute de Rock de Neurone, une émission consacrée au rock progressif, et vous êtes en compagnie de Jimmy Farley. Et nous débutons le dernier bloc de l'émission avec un groupe britannique qui est... le dernier bloc de l'émission est habituellement consacré aux précurseurs du rock progressif. Et ici, on parle d'un groupe qui a débuté en 1970. Et ils ont fait 6 albums en 6 ans. Alors, c'est assez prolifique et le groupe s'est dissous et ils sont revenus en 2014, donc avec une éclipse de près de 30 ans. Alors, ce qu'on va entendre, c'est plutôt une pièce qui origine de 1971 et qui fait partie du deuxième album intitulé The Second Album, et la pièce s'intitule Peace of Mind. Alors, voici Curved Air. Alors, c'était un retour en arrière de 44 ans avec la pièce Peace of Mind du groupe Curved Air. Et c'est extrait de leur deuxième album qui s'intitule Second Album. Alors, on va clore l'émission avec un classique de tous les temps. Sans trop d'introduction, voici Careful with Attacks Eugene. Pink Floyd, et c'est tiré de l'album Uma Guma qui est paru en 1969. Thank you. Mm-hmm.